Ce soir, au dîner pavanant, la mariée tout en blanc joue la star du moment. Sur l'écran des diaporamas, commentaire maladroit ou vulgaire, c'est au choix. Tout a commencé à l'église, sous son voile elle révise, il fera si bien la prise. Sortir de la cérémonie, on lance des confettis. Oulala, qu'est-ce qu'on rit. Toute Marianne, les voitures démarrent. Klaxon qui vire au tintamarre. Vive la mariée. Vive les mariés. Bonheur, tout ça. Qu'est-ce que je fous là. Je veux pas être là. C'est l'heure des photos et des poses, d'un roman à l'eau de rose, le futur bien morose. Et sur ce cliché des mariés, sourire préfabriqué, des souvenirs pour m'aimer. Parents, belle famille et témoins, amis, inconnus et cousins. Sourire, toujours, bonjour. Merci, jeune fille, groupée, bouquet, lancé, effroi, c'est moi. Oh non, pas ça. Et chacun lève son verre.